Venir, on l'a déjà vu. Se dit tout simplement venir. V-E-N-I-R. Attention au V qui se prononce comme un B. Hein. Venir. Venir. Et avec, se dit con. C-O-N. Con. Alors, comment direz-vous « je vais venir avec vous » ? Voy a venir. Voy a venir avec vous. Con. Con. Usted. C'est bien. Voy a venir. Je vais venir con, avec, usted, vous. Voy a venir con usted. Et comment direz-vous « j'ai besoin de parler avec elle » ? Necesito hablar. Necesito hablar, hein, c'est ça, avec elle. Con ella. Bien. Necesito, j'ai besoin de. Hablar, parler. Con, avec. Ella, elle. Con ella, avec elle. Necesito hablar con ella. Donc, on a avec vous, con usted. Avec elle, con ella, et donc, logiquement, avec moi, ça devrait être conmi. Mais ce n'est pas conmi, c'est conmigo. Conmigo. Pour dire pour moi, on disait bien para mí, hein, que vous connaissez déjà. Mais pour dire avec moi, on dit conmigo. Donc, avec moi, conmigo, qui s'écrit tout attaché, en un seul mot. Et c'est la même chose pour dire « avec toi hein ». C'est un autre cas particulier. On dit « contigo », tout attaché. Donc, « avec vous », c'est « con usted ». Avec lui, « con él ». Avec elle, « con ella ». Mais « avec moi », se dit « conmigo ».« Conmigo ». Et voulez-vous venir avec moi ? Quierez... Venir. Quiere venir, oui, avec moi. Conmigo. Conmigo, hein, c'est ça, avec moi, conmigo. Donc, quiere venir conmigo, voulez-vous venir avec moi? Et pouvez-vous parler l'espagnol avec moi? Espagnol se dit comme en français, espagnol. Mais, comme pour Espagne, le son ñ s'écrit N avec un tilde, hein, c'est-à-dire... N surmontée d'une petite vague, hein, d'un petit S couché. Donc, espagnol, E, S, P, A, N avec tilde, O, L. Donc, pouvez-vous parler l'espagnol avec moi ? Ça sera Puede. Puede. Parler espagnol. Hablar espagnol. Hablar espagnol avec moi. Conmigo. Bien. Puede hablar español conmigo. Et comment direz-vous, si vous voulez, vous pouvez parler espagnol avec moi? Si quiero. Si vous voulez. Hein? Vous m'avez dit si je veux. Ah. Si vous voulez. Si quiere. Quiere. Hein? Si quiere. Encore une fois. Si quiere. D'accord. Si quiere, vous pouvez parler espagnol avec moi. Puede hablar espagnol. C'est ça. Puede hablar espagnol avec moi. Conmigo. Très bien. Conmigo. Avec moi. Donc, si quiere, puede hablar espagnol conmigo. Et comment dire si vous voulez? Je peux parler espagnol avec vous. Si quiere. D'accord. Si quiere. Hein? Je peux. Puedo. Puedo, oui. Parler espagnol. Hablar espagnol. Avec vous. Con usted. D'accord. Avec vous. Con usted. Si quiere, puedo hablar espagnol con usted. Et si vous voulez dire « est-ce que vous pouvez venir avec moi ?» Ça sera « Puede ?» D'accord, hein ?« Puede ?» Venir ?« Venir ?» Venir. Hein? Venir. Venir. D'accord. Puede venir avec moi. Conmigo. Conmigo. Hein? Ça s'écrit en un seul mot. Conmigo. Conmigo. Ok. Puede venir conmigo.